Bonjour Marie, bonjour Denis, merci Jeanne pour ce récap. Yeah, you did it. Il faut savoir que Jeanne se réveille à l'aube pour réaliser ses récaps de la veille. Et sans internet en plus à certains moments, c'est vraiment c'est de l'orfèvrerie. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que le lever de soleil était beau ce matin? Magnifique. Magnifique. Donc voilà, on accueille maintenant Marie Janson et Denis Schuller qui sont de nouveau, comme chaque année maintenant depuis 2024, assis en face de nous. Si, c'est vrai, l'année passée, ah oui, avec là vous, aussi. Oui. Et oui, voilà, oui. C'est tout. Bonjour encore. Bonjour. Marie, Denis, donc c'est votre cinquième année? Eh oui. Eh oui. C'est ça. À mi-chemin. Ah oui? Eh oui. Ah, et alors, comment ça va? Super. J'ai très bien dormi. Ok. D'accord. Je ne comprends même pas pourquoi et comment ça se fait, mais impeccable. Est-ce qu'il y a un motel un peu confortable à mi-chemin où on dort mieux que... Non, mais du coup, alors, est-ce qu'on pourrait commencer déjà avec un peu les... Si vous voulez nous faire une petite présentation des architopiques de cette année, parce qu'il y en a une multitude. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et par exemple, on a le sonnet juste, la fumée sans feu, Volksorg, enregistré autour de soi, Wellness. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient peut-être les points de départ? Alors, bon, de comme d'hab, les de points de départ, topics. C'est un peu nos envies, nos coups de cœur, nos... là où... J'ai presque envie de dire là où les artistes nous portent, d'une certaine manière. On a des idées. Bah, Volks, par exemple, clairement, Marie, ça fait un moment qu'elle travaille là-dessus. Donc ça, c'est vrai que ça existe depuis un moment, mais il y en a d'autres qui éclosent comme ça en fonction des artistes. Et c'est un peu le cas de Sonner Juste, par exemple. Il y a les artistes qui sont... Alors, Sonner Juste, c'est quoi? C'est l'intonation juste, c'est un type d'accordage et un type de comment les notes sonnent entre elles en fonction des intervalles. Qui échappe au tempérament égal, le tempérament égal étant une division des 12 demi-tons de la gamme qui a été inventée au XVIe siècle et qui est utilisée dans toutes nos musiques européennes, mais pas du tout dans le monde en général. Donc ce sonnet juste, bah, y a en fait plein d'artistes maintenant qui s'intéressent à ça. Il y en a qui s'intéressent spécifiquement à ça, qui en font même des conférences cette année, dont justement Léo Duplex et Mara Winter. Ah, je ne vais rien dire sur sonner juste, à part que... Non, mais c'est super, parce qu'on a essayé d'en faire une définition juste avant d'Antoine. Enfin, là, ça, une ça définition fait juste oui, mais... Ou juste une définition. Juste une... Mais du coup, ça complète hyper bien. Enfin, même vraiment, c'est... Voilà, super. Merci. Pardon. Bah, on a évoqué Folk, si vous voulez, je peux en dire un peu plus. Oui, volontiers. Ouais. Enfin, comme dit Denis, c'est un des... Dans la programmation, enfin, de mon côté, je sais que j'aime bien... J'ai un peu des types de pratiques que j'aime bien suivre. Il y a la lutherie artisanale, par exemple. Il y a aussi, en fait, oui, souvent, je réalise que j'aime vraiment bien quand les artistes, souvent en solo, portent vraiment une personnalité forte, avec la voix aussi, où le chant, j'ai envie de dire, même quand c'est juste un instrument, mais qui soit un peu ancré dans une tradition, mais de laquelle l'artiste se détache clairement, en fait. Donc, parce qu'on est quand même à Archipel, hein. Ça rigole pas, quoi. Il faut que ce soit quand même un peu bizarre, au final. Mais, donc, on fait pas de la folk music, mais d'où ce petit jeu avec le folks important. Mm-hmm. Parce que j'ai remarqué, quand on nous pose des questions, tout le monde dit, oui, la série folk. Non, folks. Mm-hmm. Les personnes, les singularités, les gens, être là et porter un... Une pratique, quoi, mais quand même avec cette connotation, cette sonorité ancrée dans une tradition. Donc là, par exemple, j'ai peur de... Ah oui, c'est bien, j'ai le programme sous les yeux. Par exemple, on a pas mal... Cette année, on a un peu un sou, d'ailleurs, un sou archétypique avec pas mal de personnes issues du monde arabe, musicalement en tout cas. Donc, Youmna Sabah, Radwan, Minmaret. Mais on a aussi carrément le Nord, avec quelqu'un de Norvège. On a... pas mal aussi le Welsh, là, les pays de Galles, avec allez notamment Aeva Nicorrecte, ouais. Bon. Ou Rodri Davies, enfin voilà, par exemple. Mm-hmm. Trop bien. Je mettrai après pour petite musique, hein, des petites musiques. Faut pas hésiter. Je me suis dit que on verrait un peu selon la discussion qu'est-ce qui est le plus pertinent de mettre comme son d'artiste, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et oui, du coup, c'est du coup vous allez d'abord en fait voir des artistes. Et à partir de là, vous posez une réflexion plus large sur qu'est-ce que la musique ou la pratique musicale veut dire pour vous, qui se résume dans ces sujets. Oui, c'est vrai, comme dit Denis, par exemple, pour cette année, moi, ça a commencé avec quelqu'un qui n'est même pas là, finalement. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas du coup dire. C'est juste le dernier projet. Je suis là, Non, mais en tout cas, on va dire qu'une autre personne, c'était Richard Youngs. Mais là où c'est rigolo, c'est quand lui, je lui ai dit qu'il rentrerait peut-être dans cette catégorie, il dit « Oui, je viens plutôt du punk rock, mais folk, ça me va aussi. » Parce qu'en en Grande-Bretagne, souvent, toute pratique, ça passe un peu par le pub, les clubs, et finalement, c'est les mêmes espaces d'expression que la folk musique, clairement. Alors voilà, c'est là que ça s'inscrit. De toute façon, folk, c'est aussi musique populaire, finalement. Donc, on peut vraiment jouer sur tout. Voilà. Richard Young, c'est vraiment un grand coup de cœur. Donc, c'est un peu parti de là aussi. Ouais. Et comment est-ce que vous définissez, quand vous allez justement voir des concerts et que tout à coup, il y a quelque chose qui fait une étincelle, est-ce que vous arrivez à dire un peu de quoi il s'agit, chez vous, personnellement, comme ça, au niveau de ce que vous recherchez ? Moi, c'est assez basique, c'est être touché, en fait. Ça commence un peu tout simplement bêtement par ça. Il faut que ça m'atteigne. Que ça atteigne, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais en tout cas, moi, très clairement, j'ai des musiques qui ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, hein, ce n'est même pas ça, mais j'ai des musiques dont le son arrive devant moi et j'ai des musiques dont le son arrive à l'intérieur de moi. Mmh. Et puis, c'est quand ça arrive à l'intérieur que je commence à me dire j'ai envie de programmer ça. Ouais, moi aussi, je crois que je programme beaucoup avec le cœur et l'émotion, en fait. Et je pense que ça se ressent dans ce festival. J'ai l'impression que ça me fait du bien de voir après comment en face le public a l'air aussi, finalement, de fonctionner comme ça, pas mal. Une sorte de très simple et direct. Et justement, là, on est au troisième jour du festival. Enfin, un peu plus, si on compte aussi le concert qui a eu lieu au Meg, et puis la semaine précédente aussi... le concert de John LaBarbara. Comment est-ce que vous voyez en fait cette édition? Enfin, il y a aussi un volet wellness. Est-ce que c'est une édition particulièrement détendue? Est-ce que, il y a pas mal de public qui vient. Il y a un côté cette année aussi en lien évidemment avec l'actualité générale du monde que le wellness. Il y a le côté healing aussi, le côté soin. Enfin. Du côté, voilà, c'est peut-être plus facile en anglais, j'arrive pas à le formuler en français parce que ce serait presque le même mot dans le fond, mais bon. Ou bien-être, non, bien-être versus soin ou plus soin. Et je crois, il me semble qu'on a besoin d'être ensemble. On a besoin de peut-être pas de se soigner, mais vraiment de faire attention les uns aux autres ou envers les uns, envers les autres. Et puis, la musique, elle participe de ça, en fait. Elle participe du fait qu'on est forcément ensemble pour le concert. C'est un peu la donnée de base du concert. C'est ça, la musique live, c'est être ensemble. Et du coup, cet être ensemble qui se vit pendant les concerts, sur notre archipel, il se vit à tous les autres moments aussi du festival qui sont pas les concerts, mais qui sont les entre. Et être ensemble, puis moi j'aime bien souvent dire aussi écouter ensemble. C'est un festival de l'écoute beaucoup. Et l'écoute avec son sens large. En fait, écouter de la musique, écouter des sons, mais finalement s'écouter, être dans une situation d'écoute, se poser, voilà, laisser rentrer les choses dans la perception, le travail. Enfin, beaucoup d'artistes sont dans ces esthétiques qui amènent à une écoute active. J'aime bien, on dit écoute active et passive, j'ai envie de dire, c'est drôle, on peut l'entendre finalement avec une sorte d'ambiguïté. On est presque, avec notre formation, on est presque obligé de toujours dire le truc et dire, mais non, en fait, on peut aussi se poser et se laisser faire. Mais c'est pourtant une écoute active. Oui, là, c'est assez représentatif avec justement les installations, enfin les propositions de Thierry Madio et Flo Kaufmann. Et après, il y a quand même un peu d'humour hein, sur le wellness. Il y a à la fois l'idée, en effet, c'est sérieusement un festival, mais ça, j'ai envie de dire, c'est toute la programme qui tire vers ce truc. Il faut qu'on ait des espaces comme ça de résistance, finalement, et d'être ensemble dans un monde vraiment, vraiment dur. Et voilà, mais il y a aussi un petit jeu, parce que finalement, le système, comment dire, la mode du bien-être, pour moi, elle est problématique aussi, parce que c'est... Il y a vraiment plein de gens là, qui font un peu leur marché, leur pain, en abusant des gens fragiles. Donc il y a quand même un petit... surtout avec le Flo Kaufmann. Flo Kaufmann, il joue de ça. Flo Kaufmann, c'est des espaces où il y a des machines obsolètes, extrêmement bizarres. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui les collectionne. Hein. Il a énormément de machines, de vieux synthétiseurs, de transducteurs, je ne sais pas trop. Je ne vais même pas essayer. Et il nous fait une anamnèse, hein, il nous pose des questions, il y a une vingtaine de questions, et ensuite il va dire, oui, il faut aller dans cette machine pendant 10 minutes, vous irez mieux après. Enfin, c'est très ludique, c'est drôle. Par contre, ce qu'il m'a dit, parce qu'il y a des portraits dans la salle où ça se passe, de personnes, on voit, c'est les photos des années, je ne sais pas, 30, 50. En fait, c'est à chaque fois des médecins, si j'ai bien compris, il m'a dit, à chaque évolution technologique, chaque nouvelle technologie, il y a toujours eu un médecin qui s'est approprié cette technologie pour créer une machine pour soigner, pour c'est de vrai. Ouais, c'est my God. Évidemment, probablement presque toujours vraiment bien de l'arnaque. Donc voilà, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, ça, avec l'évolution des médias comme ça, l'histoire des médias, à chaque nouveau média, il y a effectivement le pendant, le miroir médical, quoi, voilà. Qui s'adapte et qui ressort des... On sait ça, c'est la magie armes, comme ça. Tu vois, mais finalement, j'avais jamais... Puis juste, jamais... Ouais, l'électricité, ouais. Les ondes radio, les... Ouais, ouais. Et encore maintenant, mais... Moi, je pensais lancer un petit son, sauf si... et puis, voilà. Ah, très volontiers. Qu'est-ce qu'on va écouter Bint Mbare, qui va jouer, du coup, ce soir. Avec, je crois, d'abord seul et ensuite avec Radouane. Eh bien, en fait, chacun seul. Chacun seul. C'est deux concerts. Solo. Oui, c'est deux solos et on ne sait pas encore dans quel ordre. Ok, bah, très bien. Alors, on écoute tout de suite. Thank you. C'était donc Bint Mbare que vous pourrez écouter en solo ce soir. Et du coup, Marie, tu voulais nous parler de la pièce de Jacques. Oui, ben, écoute. Hein. Enfin, on a abordé le sujet de la convivialité. Non, mais parce que je rigolais tout à l'heure, je dis Denis, tu nous parles. Ah, pardon. Parce que je parle trop. Ah, ouais, bah alors. Non, Denis. C'est égal. J'ai juste pas suivi ce moment. Oh, allez, comme non, j'ai présenté le concert. C'est un peu du joke avec Denis, ça. Non, mais sinon, pour vous mettre d'accord, je parle à votre place. Ah ouais. Allez, ah ouais, vas-y. Super, allez. Non, pas du tout. Non. Non, mais donc, il s'agissait de la pièce qui a été présentée hier, une composition de Jacques Demierre avec contrechamp et puis un ensemble qui a été formé sous le nom de Close Up. C'est un orchestre qui a été fondé pour l'occasion, mais qui, a priori, va continuer à exister et qui a été imaginé par Susanna Peters, qui est la flûtiste de l'ensemble contrechamp. C'était un appel à participer au-delà du monde, justement pour une sorte de contre-champ étendu par des musiciens, musiciennes. Au début, on parlait orchestre amateur, mais en fait, la plupart pratiquent vraiment la musique. Mais voilà, il y a même des professionnels, il y a un peu de tous horizons. Et donc hier, c'était Jacques Demierre qui a présenté une composition avec cet ensemble. Voilà. Et ils ont beaucoup participé eux-mêmes. En fait, c'était ça le pont. Mmh. C'est que c'est vraiment une vraie communauté éphémère qui s'est créée. Vraiment, ils ont créé ensemble. En fait, Jacques, il a vraiment amené des concepts. Mais chaque groupe a répété sans les musiciens de contre-champ, donc sans au départ. Enfin, c'est très particulier comme processus. Et le point de départ, c'est la question de la fonte des glaciers. Enfin, il y a une préoccupation écologique. Oui, il y a une voix off. Le projet s'appelle Désenglacé. Donc, il y a une voix off qui clairement tente de positiver toute la problématique actuelle du changement climatique, du réchauffement, en parlant du fait que des forêts et des nouveaux écosystèmes éclosent là où il y avait des glaciers, parce qu'il y a une terre fertile en dessous. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui se passent. Alors évidemment, ça termine à la fin, il faudrait que ça se passe sans l'être humain, tout ça, ce qui est malheureusement peu probable, mais néanmoins, qui sait. C'est toujours assez chouette de se dire que dans tout ça, il y a toujours quelque chose qui continue à vivre. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu une exposition, je ne me souviens plus de l'artiste à Lausanne il y a quelques mois. Une voix off nous parlait de la nature, qui disait que la nature, elle s'en fichait complètement. La nature, elle a le temps. Elle a le temps, elle a une minute, elle a 100 ans, elle a 10 000 ans, elle a 1 million d'années. Elle s'en fiche, la nature, complètement. C'est nous qui stressons. Donc je trouvais assez intéressant de l'entendre comme ça, d'un autre point de vue. Bref, ceci étant, donc, il y avait 40 musiciens N qui étaient autour du public, 200 personnes qui étaient à l'intérieur de ce carré, dessinées par tous les musiciens et musiciennes. Et donc, c'est cette voix off qui apparaissait par moment. Et puis les groupes d'instrumentistes qui jouaient pas du tout tous en même temps, mais qui jouaient un groupe par là, un groupe par là, un autre groupe, tout d'un coup tous ensemble, un gros son, des chuchotements, ça repartait sur une note qui se promenait d'un endroit à un autre. Chacune, ça c'est ce que j'ai trouvé très touchant, et comme Marie disait par rapport au fait que c'était très collectif comme travail, que chacune a enregistré des sons à la maison qui ont été réutilisés, donc il y a vraiment un engagement vrai dans la création, et je trouve que ça se sentait. Tout le monde était très très chou, c'était tendre en fait. Chacun amenait, on sentait que tout le monde amenait son petit univers, et que tout ça se rencontrait dans ce moment. Voilà. Trop bien, j'étais complètement happée par ce que tu disais. Je voulais faire relancer la parole à Camille. Eh bien, par rapport à ce sujet de l'être ensemble, je me posais la question des duos dans la catégorie de folks, les duos de personnes qui ne viennent pas du même contexte historique musical. Et leur rencontre, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots par rapport à... Je pensais notamment aux deux premiers concerts duo, justement, il y avait Yumna Saba et Mike Cooper, qu'on a interviewé ici aussi, et Rekha et Radwan de hier soir. Alors je peux vite parler de Yumna et Mike Cooper. Alors d'abord, c'est venu vraiment à merci Antoine d'ailleurs qui m'a glissé ah c'est beau ce disque de Yumna Saba. Et donc je l'ai écouté, je dis oui, c'est trop beau, je veux faire ça à l'archipel. Donc on a invité Yumna Saba d'abord. Et elle a un disque, donc bon, je pense qu'elle en a parlé, un Wisha, vraiment, il est très beau cet album. Et j'ai tout de suite, on avait envie, un peu, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais d'inviter des doubles présences comme ça. Et en le faisant avec l'artiste invité en premier. Donc j'ai demandé à Yumna. Mais aussi, d'abord, j'avais lu sa bio, et ça m'a complètement épatée, vu quand j'écoute sa musique, je vois, mais Mike Cooper, what? Parce que voilà, c'est un artiste que je connais depuis vraiment, en fait, de 30 ans. Et qui c'est quelqu'un qui roule sa bosse, on va dire. C'est vraiment un artiste qui est souvent en solo et qui joue de, un peu quelque chose. Il a ce langage qui... Je pense que ce qu'il faisait il y a 30 ans, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une continuité, c'est assez proche, et avec sa lap steel guitar. Et donc vraiment un autre univers. Il est britannique. Par contre, il est aussi très connu pour porter des chemises hawaïennes. Ce qui pourrait maintenant être mal pris, c'est drôle, en fait, c'est toujours intéressant c'est comment ça se passe un peu, hein, ces questionnements de la réappropriation, etc. Mais il se trouve que, je sais quel élément de sa biographie, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible et avec son engagement, et ça, on l'a entendu dans le partage d'écoute, sur l'histoire des musiques hawaïennes, en fait, qui y a énormément eu de porosité, d'influence, comme beaucoup d'endroits du monde, mais je sais pas, on en parle un peu moins souvent, il me semble, de la musique hawaïenne dans ces questions. Alors qu'il y a de quoi dire, hein, sur, et voilà, donc il y a quelque chose dans sa musique qui est un peu, vraiment c'est ce slide, hein, c'est le ouh, là, pas le, vraiment sur la, pour le reste c'est plutôt d'esprit libre, j'ai envie de dire, Mike Cooper. Donc voilà, ils se sont rencontrés à Rome une fois parce qu'il organisait une série de concerts, elle a joué, ils se sont dit ah bon, allez hop, un petit impro, et cette pratique de l'impro, évidemment que dans la musique arabe avec Yumna ça existe, et que le oud il y a toujours une partie impro, mais le côté impro à la Mike Cooper, ça c'était pas du tout l'univers de Yumna, et ça s'est bien passé, c'était fluide et ils ont bien aimé ça, ils l'ont fait, je pense qu'à l'archipel ça doit être la troisième fois, enfin c'est pas du tout, voilà. Et mais moi j'aimais bien l'idée, donc j'en ai parlé à Yumna parce que j'étais pas sûre que c'était un one shot ou pas. Elle m'a dit ah non j'adorerais, oui super, la dernière fois c'était il y a 10 ans à Rome. Et en fait, ils n'ont pas du tout répété, c'était vraiment de l'impro. Donc, que dire, c'est vraiment des... Mais c'est vrai que c'est avec le partage d'écoute, quelque part, qu'on pourrait le thématiser, parce que moi, je ne l'ai pas vraiment fait, ça, au départ. Et les deux sont très engagés. En fait, je ne sais pas s'ils sont actifs d'une manière, un engagement, comment dire, mais dans la musique, ils ont les deux évoqués. Elle a passé de la musique arabe. Elle a clairement, on sentait clairement une volonté, voilà, de se positionner par rapport à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et de l'autre côté, Mac, il a fait une sorte de laïus, là, oulala, on a pendant les dents sur la colonisation musique hawaïenne, etc. Enfin, donc, c'était drôle, c'était pas vraiment drôle, mais je veux dire, les deux moments avec eux, c'est... Donc, en fait, quelque part, c'est pas vraiment par là que c'est passé, mais oui, il y a quelque chose. Allez, je laisse Denis parler de l'audio. L'audio, c'est des... Alors, par contre, là, ça s'est travaillé. C'est deux artistes qui travaillent ensemble. Et c'est le point de rencontre, c'est le cinéma. Parce que les deux se sont rencontrés sur... Alors, comment ils se sont rencontrés, ça, j'ai aucune idée. Mais ils ont mis en musique un film de Garel. J'ai oublié le titre. Je ne sais plus lequel. Et donc, il y avait ce film qui existait. J'ai pas vu le projet, donc je ne sais pas si c'était des extraits, une extrapolation du film, ou si c'était tout le film et qu'il y avait une resonorisation dessus. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'était un projet audiovisuel. Radwan, lui, il fait des projets audiovisuels également. Et puis, Rekha, elle, c'est une artiste qui est autant visuelle que performance. Donc ils se sont retrouvés, les deux avaient envie de continuer à travailler, en fait, tout simplement. Et pour l'histoire, ça c'est bon, je ne l'ai pas dit hier en public, mais à la base, j'ai invité Radwan en lui disant « Viens faire un solo, viens faire un duo, avec, ça devait être avec Alexis Degrenier, qui n'a pas pu être là pour des raisons médicales. » Et du coup, je lui dis « qu'est-ce que Recta comme autre proposition, en fait. Il m'a dit, je suis en train de retravailler un truc avec Recta, je viens avec Recta, en plus ça tombe bien. Elle est officiellement en Suisse, donc on peut la considérer comme Suisse. Ça, c'est un autre volet de discussion pas très intéressant, mais qui concerne les finances. Au contraire. Du festival, et qu'on a besoin de... Voilà, on doit, pour avoir de l'argent, on a besoin aussi d'avoir des artistes suisses. Donc en plus, c'était... parfait. Et puis en plus, elle est très drôle. Enfin, oui, drôle. Parce qu'elle a... Elle joue de son apparence aussi sur scène, ce qui n'est pas forcément super véhiculé dans les musiques de recherche, où les gens viennent souvent un peu comme ils sont, voilà, avec sa chemise hawaïenne ou bien les habits du jour. Et elle, pas du tout. Elle vient, elle était avec ses lunettes de soleil sur scène, impeccable, comme ça, très... voilà, ça, on sent que c'est un élément, c'est hyper important. C'est intéressant, les papos pardon. Parce que j'ai trouvé intéressant ce projet, c'est vraiment les langues et la musicalité. Donc, oui. Peut-être dire d'où il vient. Ah oui, viennent. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de ça, parce que Radwan, lui, il est Libanais. Il a grandi avec la guerre, il est parti, il a grandi à Oman, et à 15 ans, il est parti au Canada avec ses parents. Lui, il y est resté, ses parents sont retournés à Beyrouth, et il y était, là, en fait, il a volé de Beyrouth à Genève. Et donc, il a forcément une culture libanaise, mais en même temps, grandi à Oman. Maintenant, il est depuis un certain nombre d'années quand même à Montréal. Sa culture libanaise, on sent dans ses musiques qu'il y tient beaucoup. Et puis, on sent qu'il y a un engagement, il y a un combat, une résistance. Son gros projet d'avant s'appelait « Jerusalem in my heart », qui est clairement sur la réalité de ce qu'est Jérusalem aujourd'hui, entre Israël et la Palestine. Et du coup, lui, il a ça. Et puis Reka, elle est hongroise. Et puis, il y a tout ce bagage-là qui n'a rien à voir, mais qui a quelque chose à voir aussi. On sent qu'il y a un combat. Alors, elle, j'ai moins parlé avec elle de son engagement. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Les deux chantaient des chants manifestement traditionnels, ou en tout cas musicalement inspirés. Quoi. Et ça allait ensemble. Absolument. C'était assez étonnant. Alors qu'on ne comprend pas. Si je peux me permettre. Reka nous a dit après le concert qu'en fait, il y avait un des chants qui était un chant original de Radwan, qui était écrit en arabe, qu'elle avait en fait traduit en norvégien pour... en hongrois. Tout est possible. Tout est possible. En hongrois pour chanter avec lui dans sa langue, pour en fait avoir un rapport avec s'approprier sa propre, une parole. Culture, ouais. Oui, donc il y a une vraie interaction. Et puis ce qu'elle nous a aussi raconté après le concert, c'est que finalement, elles avaient répété là pendant cette journée, mais que c'était la première fois qu'elles pouvaient vraiment se voir et répéter avant le concert, ce que je trouvais assez fou. Du coup, le résultat était très intéressant en sachant que c'est seulement un jour de répétition. Ouais. Ils s'étaient vus au Canada, à Montréal, Québec. Mais effectivement, peut-être c'était que les phases préparatoires, puis que quelque part la physicalité de la musique, elle s'est faite ici. Merci. Je propose qu'on écoute un petit bout de Yumna Saba, parce que c'est vraiment très beau. Parce que j'ai pas trouvé aussi quelque chose de Reka, j'aurais bien aimé, parce que je sais qu'elle a aussi une pratique vraiment musicale aussi en solo, il me semble. Oui, son projet c'est Wiz, je crois. Wisha. Ah pardon, non, de Reka, c'est V-I-Z, V-Y-Z. Okay. C'est ça que j'avais oublié. Mais en attendant, on va s'écouter du coup un morceau de cet album Wisha de Yumna Saba, qui a joué donc avant-hier soir. Les jours se mélangent, hein. Thank you. Je laisse quand même encore un peu en fond, mais comme ça, ça vous donnera le goût d'aller écouter l'album en entier. Antoine ? Oui. Alors, on a beaucoup parlé de convivialité liée au concert, liée à la création, à la performance. Et puis, dans le festival, il y a manifestement beaucoup d'autres espaces de convivialité avec les installations, avec les projets de médiation. Enfin, est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à ça ? Et puis surtout, enfin, on est actuellement dans un des espaces de convivialité du festival. Radio Zine, une radio, un fanzine. Est-ce une radio ? Est-ce une usine ? Est-ce un tableau ? Est-ce une turbine ? Est-ce une turbine ? Voilà, c'est sur cette question que on vous laisse répondre. Est-ce bon une turbine ? Sa turbine, c'est clair. Ouais. Espace interstitiel. Ouais. Bon, alors, ben, Radiozine. Et pour faire du lien, être ensemble, c'est sûr que, ben voilà, il y a la salle de concert, il y a le café, le bar, mais on s'est dit que c'était. C'est très bien, mais c'est encore insuffisant. On aimerait encore plus montrer. La librairie aussi. Ou gérer voilà, le fait qu'on est ensemble. Donc voilà, il y a Marie qui va nous parler de la librairie un petit peu, parce que ça, c'est un projet très, très chouette. Radio Zine, je ne sais pas si vous parlez de, si vous historicisez votre propre, vu que c'est vous qui êtes les radiosiniens. Actuel. L'idée de Radio Zine, c'est une, c'est un méta-festival. C'est l'idée de faire voir et entendre et comprendre le festival différemment, par d'autres moyens. D'autres regards aussi, tout simplement. D'autres regards, et donc en invitant des artistes qui justement posent leur regard et leur micro pour le coup sur ce festival et qu'ils le rendent vraiment ça a un double sens parce que ça le rend compréhensible et visible et audible d'une autre manière et justement ça crée du lien sur place parce que c'est vivant, parce que tout le monde peut y venir, il y a plein d'artistes qui y participent aux zines, il y a des gens qui viennent, qui dessinent, qui se mettent ensemble, on a envie de participer et d'être avec tout ça. Et puis la radio, c'est la radio, donc on est plein à la radio. Dans l'équipe de Zine, donc Mara, Cassina et Guillaume Fuchs, par exemple, ils demandent aussi souvent aux artistes où ils prennent en photo leurs partitions qui traînent. Il y a aussi un côté direct de visuellement attraper des choses qu'on ne voit pas quand on est dans le public. Mais en effet, après, il y a aussi ce côté médiation, pur et simple, hein, vraiment. On passe dans le couloir, allez, vous voulez faire un petit dessin, hein. Il y a les enfants, les adultes, tout le monde se mélange. C'est génial, quoi. Et il y a donc un fanzine par jour. Sinon, pour la convivialité ou les autres façons d'appréhender le festival, en effet, vraiment, cet horaire élargi, c'est particulier. Hein, on est ouvert de midi à minuit. Cette année, encore plus, parce qu'en fait, à partir de 7 heures du matin, on peut aller à la paroisse Saint-François, 100 mètres d'ici, pour écouter l'installation de Rudy de Soler. C'est quand même un gros morceau. Je pense que c'est un des projets les plus ambitieux, finalement, économiquement parlant. C'est une expérience vraiment incroyable. J'ai pas arrêté de le dire hier à Rudy, et je vais le redire. Enfin, c'est vraiment une installation magnifique. Donc, c'est dans le thème, dans l'archétopique orgue. C'est un orgue, c'est pas un orgue, mais c'est des tuyaux d'orgue organisés d'une certaine manière. Enfin, je ne vais pas trop en dire, on n'a pas le temps, mais en fait, parce qu'il faut y aller. Mais il y a une chose que j'ai envie de dire, pour ceux qui vont y aller, il n'y a pas de diffusion sonore dans cette installation. Il n'y a pas de subs qui sont cachés quelque part et on a envoyé des basses. Non, ce n'est que de la mécanique. C'est du souffle, c'est des ventilateurs, c'est des soupapes, c'est des tuyaux d'orgue avec des tailles différentes. C'est vraiment quelque chose de physique. Alors, il y a de l'électricité, hein, il y a qui active les ventilateurs, mais il n'y a pas de son. Enfin, de sonorisation. Ouais. Ou de son enregistré. C'est ça. C'est important parce qu'en fait, ça bluffe tout le monde. Tout le monde se dit, c'est magnifique, c'est un objet, puis on a mis des sons. Mais non, c'est bien l'objet qui fait le son. Bref, voilà. Donc oui, et donc une librairie tenue par Vincent Dereguin avec des disques aussi. Et c'est vraiment très pointu, une très, très belle sélection, hyper bien pensée. Il y a toujours une ruée de tous les gens un peu... Les artistes, ils passent devant, C'est génial. Le restaurant, d'un plat du jour à midi le soir, une salle de jeu. Et puis oui, voilà, la salle de jeu, comme vous le disiez, médiation, tout ça, c'est... Bah là, aujourd'hui, par exemple, ce matin, il y a 40 enfants en plus, encore une quinzaine qui font un atelier d'enregistrement, percussion, d'autres qui font un atelier autour radio. De la radio. Demain, il y a ces mêmes équipes, plus encore une classe d'enfants qui vient écouter le concert qui est donné par les 40 autres enfants. Et donc, du coup, tout ça fait vivre aussi de manière Est-ce que c'est géniale. Une façon d'inoculer la musique contemporaine aux plus jeunes générations? Déjà, de base, on le sait, hein, les enfants, ils s'en fichent complètement de savoir que ça existe dans tel ou tel registre, classification X ou Y, ils s'en fichent complètement, ils apprécient. Les enfants apprécient juste ce qui se passe. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Apprécier dans le sens vraiment premier. Ils regardent, ils prennent ce qu'il y a. Et après, ils aiment ou ils n'aiment pas. C'est égal, dans le fond. Moi, je suis persuadée que tout se fait entre l'âge de 2 et, je ne sais pas, 7 ans à peu près. Parce qu'après, on fait les grands, puis on rejette. Bon, j'exagère, jusqu'à 12 ans, ça va encore. Mais après, on y revient. Mais est-ce que vous avez une anecdote, d'une expérience personnelle qui, dans votre jeune âge, vous a amené à diriger un festival comme Archipel? Moi, je suis convaincue, ouais. Moi, je sais, c'est ça, ouais. Moi, je crois que je sais pourquoi j'y fais de la percussion. Pourquoi? À cause d'un... Non, mais c'est stupide. Hein. Mais... non, ça va être trop bien, ouais. Ça, on se réjouit. À cause d'un... C'est très clairement, il y avait un plateau à la cuisine, chez mes parents, un plateau en métal qui avait un son incroyable parce qu'il résonnait, il faisait un tout petit peu comme les certains gongs qui font deux sons, qui font bulle, ou bien bulle dans les deux sens. Et j'adorais écouter ce truc, donc je prenais le plateau et puis je tapais dessus et tout le monde m'engueulait parce que j'étais là, non mais tu nous saoules avec ton truc. Et voilà, j'adorais, donc il y avait le côté de la percussion et de l'écoute du son pour ce qu'il est. Et donc, moi, je ne suis pas musicienne. Donc, par contre, on va dire que, enfant, les moments où j'ai conscientisé vraiment, chez moi, on écoutait Bach, Brigitte Fontaine, les Clash. Hein, ça vous donne une idée. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans un monde sonore extrêmement éclectique. Ah oui, et mon beau-père, qui était tisserand, rien que ça, un tisserand motif, le métier à tisser, les bruits... Il écoutait France Musique, et France Musique, dans les années, fin des années 70, c'était de la musique contemporaine. Donc, voilà, espèce d'immersion. Mais j'ai eu mon petit rejet, à un moment donné. C'est pas vraiment du rejet, mais quand j'avais 16 ans, j'étais plus trop là-dedans, et j'y suis revenue plus tard. Donc, je sais que ça se passe, là. Là, c'est vers 7, 8, 9, 10, 11 ans. On absorbe des choses, et elles reviennent après. Et c'est pour ça que on tient beaucoup à avoir des très jeunes dans cette salle de jeu et partout, enfin, qui visitent le festival. Parce que on pense que ça change le monde si on écoute de la musique expérimentale dans la vie. Donc, si tu es un plateau en métal, voilà. Ou si tu es un métier à tisser, tu peux nous appeler au numéro suivant, 079-261-33-46, et nous laisser un message. Excellent. Nous vous félicitons. Merci pour elle. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Denis. Avec plaisir. Et merci de... y a-t-il des gens ? Y a-t-il des gens qui nous écoutent ? En tout cas, merci à vous si c'est le cas. Et voilà, et puis je vais lancer tout de suite le reportage discussion avec Léo Collin et Manon Fantini. Donc un projet de médiation qui s'est terminé hier. Exact.